Putain les mecs de Verviers. Putain les mecs de Verviers. Oh putain les mecs de Verviers. Oh putain les mecs de Verviers. Oh putain les mecs de Verviers. Ils sont durs les mecs de Verviers. Il leur faut un truc qui clash. Bien rail des carages. Comme la bière et le hache. Qui tâche de sang les t-shirts trop blancs. Troublant les culs blancs. Faut que ça dégage, pas être sage. Faut boire l'ivresse du noir. Se rouler dans la barre. Croire un monde, non, non, non, non. Croire un monde, non, non, non, non. Et moi, affalé dans la fume. Je fume, qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je, dans quelle étagère. Je fume, qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je, dans quelle étagère. Putain les mecs de Verviers. Putain les mecs de Verviers. Oh putain les mecs de Verviers. Ils sont durs les mecs de Verviers. Ils veulent du palais qui monte sur scène. Tip top, tout en bloc. Qui signe comme du rock, reggae, rap, punk, pop. Oh putain les mecs de Verviers. Oh putain les mecs de Verviers. Putain les mecs de Verviers. Oh putain les mecs de Verviers. C'est comme les mecs de Paris. C'est comme les mecs de Bruxelles. C'est comme les mecs d'Alger. Oh putain les mecs du monde entier. Oh putain les mecs du monde entier. Oh putain les mecs du monde entier. Oh putain les mecs du monde entier. C'est comme les les filles de Verviers.